Inédit, inédit, ok, ok. 45. Exclusivité, exclusivité, exclusivité. En direct du Loiret, en direct du Loiret, du Loiret. Sans motif, des PH type. T'as des fourrailles, mon pote. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. La malibar, la condition pénètre. Mon flow beau gosse, alors il stoppe les laits. Merci aux fans qui disent mec, s'te plaît, laisse. Toujours célibre, car j'vais me pénètre. Pas une groupie qui kiffe se faire pénètre. La roue tourne vite, ton ciel fait pénètre. Mon fils en split sur le bout de mes lèvres. Moi j'veux la gloire, j'irai au bout de mes rêves si Dieu veut. Ma team prend les choses en main, t'étonnes pas qu'ils disent vieux plein l'impact. On sort le grand jeu à la bague. Histoire dangereuse pour la maille, ça court, et y'en a marre d'un coup. Et t'as vu couillonner, mais combien de couillonner, trop de coups durs. Donc du coup, on est tous en diplôme dans un hall à ne faire pilonner. Mon sexe, ma secte, t'affecte, moi te ris au nez. Collabo motive sans les soldats, motive les mauvais pressentiments, les EFA. Bon, te gifler, l'aspiration est toujours présente du 4-1 au 4-5. Des PH team et sans motif, balance du lourd dans les enceintes. Guet-apens face au MC, pas cadeau, tac à la gorge. Leur sang, le frais couler, ils buvraient, affine nos gorges. On est à le, mettez-nous en camisole, on s'isole et vous enfonce le mic en plein dans les amygdales. Hein. On a la dalle dans notre camp, se trouve la balle. Manque de respect, t'auras la trace de nos enfants. Il n'a pas lu ton rap, s'interpose dans ma vie. Et ça je le renie ave. Beaucoup de putes dans la vie, à base de coups de crasse. Là les vrais frères et les vrais sabres et les vrais potes. Les groupies sont halles et mettent les onze dans les hipotes. Décapite les capoches qui ne cessent de te boycotter. Ton côté un 16 par jour c'est le quota, mets-toi sur le côté. Au futuring avec les sables de blanc éclatés watts. Ce sont des boîtes, des cartes watts, c'est pas du son de boîte. Mais plutôt dans les squats avec tout près de watts. Une taille ou un zap bien grainé entre tes watts. C'est ça la vie de nos gars. On passe l'histoire dans le Tchéka, dans une voiture un peu Tchéka. Histoire d'éclater 2-3 sbars, de se taper des putains de grosses barres. Bah ouais. Ça la vie de Jonah. On rêve tous de millions de dollars, quitte à finir en mode dollar. Sur vous je crache un gros molar. Sur tous les schmicks et les bâtards, envers eux j'ai la haine ratin. Fait exploser tous les radars. En 35ème sur le périph', Phoenix sa mère y'a pas de shérif. Roule à gros pif, venu du riff. Et venez tour car c'est la mif. Une mamie sur la pétoire, notre vie de l'état dans la baignoire. Pas de pétasse dans nos visuels, on porte chartel sous le peignoir. Et parlez-moi, l'enquête Elvis, tenez sort Burma. Hargneux comme Elvis, je te baisse, laisse-moi le temps que je reste en puma. Tu sais, ça traîne avec les gens par souci de confort. Français fier du saucisson fort, à ça les saucisson fort. T'as du talent avec une arme et les mains nues. T'as des talis aussi crédibles qu'une bitch qui porte le voile et des talons. J'ai calmé mes ardeurs, mis du plomb dans ma cervelle. J'ai pas besoin de montrer mes couilles, bien à la place sous la serviette. Les erreurs qui gardent des autres. On emmerde la garde des sceaux. Tu veux être le meilleur, commence par faire la garde des sceaux. Que je relâche tes faits. J'aimerais te dire que j'arrête les frais. La France est une voleuse, excite-toi si le racket t'es frais. Ça fait mal mon pote. On est hâte. Pas d'égo, trip, voilà les gros 6, les gros 10. En catégorie les prodiges. On tape pour le smic, smic. Car en bas ça pue la merde. Gratte pour le titre, espérant avoir la vie de rêve. Repéré sur la balistique, moi je m'en bats les steaks. Vas-y crame le style, certex, je suis pas les steaks. Cousin là c'est l'équipe, ça vient d'Orleans, pas des States. Pareil c'est liquide, on veut tous peser comme Bill Gates. Range ton calibre, ça c'est pour les galas et les caïds. Les canailles qui cultivent le canard en cabine. Nique les traits qui t'allument, les chemins qui t'alignent. C'est les califs, j't'assure que ma team fera la team. Au fait, j'fixe cet ML, poto t'es pas net. Cette meuf c'est une grosse pute et toi tu me dis qu'elle t'aimait. Rentrer ce son, on t'a aidé, révolutionnaire. Et si ça pense qu'à barber, je serais pas pour faire connaître. Ok dans le rap, je suis un colosse, appelle-moi John Café. Je suis pas une pute, pour dire au keuf c'est John Café. Tenez vos langues, au lieu de jacquer, de parler. Ça commence en jeune baveux et finit en jeune baveux. Dans la DPH team, aucun ne te respecte pas. Mais si tu parles de nous, avec ta mine, prévois des smecta. Accepte que smecta, trop de classe, trop de style, trop de flow, trop de rime. Trop d'or au bout de la mine, sortez les appareils. C'est en photo quand j'apparais, micro-génique, je suis sans pareil. Comme si du talent je m'emparais. Je suis fort c'est vrai mais je vais arrêter de m'en vanter. Je finis en vous disant que le rap c'est comme si je l'avais inventé. Putain j'ai abusé. Je présente mes excuses, les jaloux sont bornés. Mais pourquoi mes ex-cos, la concurrence en tête. Mais je les excuse, pour venir tête faut des couilles. Comme j'admire leur con. 22 ans, je tue le temps quand Louis qui m'a crossé. Je m'ennuie, je rappe tout seul et je suis trop défoncé. Je flague la patrie de l'ordi, média player jusqu'à la mise en veille. Prépare les chrysanthèmes, c'est bientôt ma mise en bière. Solitaire, je connais les quais de gare par cœur. Les erreurs de parcours, je reste le crâne 4. Les mecs viennent des travelots, les racks, les bitches ou potiches. En talons aigus, ta gamine te raquettera un iPod Touch. C'est gentil mot de PH team, un featuring officiel. Allez un petit peu des gauteries. street. Ta clique, j'en vois au cimetière. Ça se la raconte au mythe, pour eux ça roule de mécanique. Ou simplement au-dessus le beat. Et ouais, ma poule, on fait la deal. J'suis pas de ceux qui allaient bosser avec un queue à la fac. Mais de ceux qu'on fonce dans le fossé et poser un scot dans la fnac. Bref, t'es des chants, un câble, une canne, que les trosses. Y'a mon son dans ta gova. C'est que j'viens pour cramer le poste. C'est toujours en perspective. C'est ma vie, j'suis pas une victime. Va le dire à la clip, mais j'suis pas maîtrise. J'ai un motif. Ça c'est la dream team, même si enlève ton sous-tip et fais-nous un striptease. Toujours pas changer d'optique, l'état nous parasite, ouais. Jouvard et Schmitt en parésie, ouais. Y'a par ici, de Blois à Orlin, c'est illicite, gros. Dans le rap, on est devenu des 6, gros, j'vise haut. Pour ne pas finir en bas des tours. Ça se laisse pour pas finir clochard. Mais du feuille et un stylo, j'aurai mon deuil au micro. Le rap je remets à niveau, accompagné de sang et mots. GPA, j'collabo, un collab en impro. Un sap depuis Marmot, adepte du comico. Ah ouais mon pote, sans motif, t'es PHG. Mais là, je suis dans la hip-hop.